ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، شيخ فرحان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On commence donc, bi'innillahi ta'ala, cette conférence par un cours que j'ai vu opportun pour commencer cette conférence et qui est l'explication d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi j'ai dit opportun? Parce que c'est un hadith qui est en fait une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam par laquelle il commençait sa journée. Et ce cours a donc pour titre les trois buts quotidiens du musulman, et vous allez comprendre pourquoi dans un instant, inshallah. Pour mettre les choses dans le contexte, tous les cours que je vais faire ce week-end ne sont pas de moi. Ils sont des savants de la sunna. Par exemple, celui-ci est de Cheikh Abdelrazak Al-Abad, Al-Badr, hafidhahullah ta'ala, qui est enseignant à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui est enseignant à l'université de Médine. Donc ce que je vais faire, c'est m'attacher à traduire cela pour le public francophone. Et on commence directement la parole du Cheikh, et il dit « Hadith al-yawmi sayakounu fi kalimatin mukhtasaratin wa la tatoulu hawla hadithin rawahu ibn Majah wa li imam Ahmad » رحمهما الله وغيرهما من أهل العلم عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى كان يقول بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Donc ce cours est un rappel concernant un hadith rapporté par Ibn Majah. Ibn Majah fait partie des savants du hadith. Pour les frères qui ont un peu étudié le hadith, il a écrit un livre qui s'appelle Sunan Ibn Majah, qui fait partie de ce qu'on appelle Kutub Sitta, qui sont dans l'ordre Al-Bukhari, wa Muslim, wa Abu Dawud, wa Tirmidhi, wa Nasa'i, wa Ibn Majah. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, dans son Musnad, qu'Allah le fasse miséricorde à tous deux et à tous les savants de la Sunna, et d'autres parmi les gens de science, d'après qui? D'après la mère des croyants. Quelle mère des croyants? Umm Salama. Retenez ça, inshallah, que c'est donc un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par qui? Par son épouse. Qu'on vous fasse travailler la matière et qu'il y ait un peu d'interaction, sinon vous risquez de vous endormir, inshallah. Hein? Donc l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après avoir prié la prière du subh. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est les trois buts quotidiens du musulman qu'on va s'attacher, inshallah, à étudier en détail. Et c'est la prière du subh. Vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé cette conférence par ce cours. Parce que c'est avec cette doua que tu commences ta journée. La prière du subh du matin, il disait, alayhi salatu wassalam, après ce qu'on appelle le teslim, la salutation finale, il disait, traduction du sens, « Oh Allah, je te demande. » Et il demandait trois choses, alayhi salatu wassalam. Et nous prenons comme exemple le prophète, alayhi salatu wassalam. « Oh Allah, je te demande une science bénéfique. »« Ilman nafi'a. » Et une bonne subsistance. Et on va voir ce que ça veut dire, inshallah. Et une action acceptée. Et ce hadith, si vous avez fait attention pendant la khutbah, l'imam l'a cité pendant la khutbah aujourd'hui. Et ce hadith, je vous donne la référence, il est rapporté par Ibn Majah, numéro 925, et Ahmed dans son Musnad, numéro 26481, avec une autre formulation du hadith. C'est-à-dire, au lieu d'une bonne subsistance, quoi? C'est-à-dire, et une large subsistance. Et ce hadith, il est authentifié par une autorité en la matière, qui est Cheikh l'Albani, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans Sahih Ibn Majah. hein, pour le Bukhari Muslim. Vous savez que c'est les hadiths qui, hein, les livres qui sont les plus authentiques après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après les quatre autres livres, parmi les six livres de la Sunna que j'ai cités, eh bien, Cheikh Nasr rahmatullah Ali, Cheikh Nasr al Albani rahimahullah, il a fait une correction de tous ces hadiths là. Et donc dans son Sahih Ibn Majah, c'est-à-dire dans sa correction, hein, d'Ibn Majah, eh bien, il a authentifié ce hadith. Et puis le Cheikh continue ce magnifique rappel en disant: فكان عليه الصلاة والسلام من هديه كل يوم بعد أن يصلي الصبح يدعو بهذه الدعوة العظيمة الجامعة اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وفي رواية كما ذكرنا وعملا صالحا والعمل المتقبل هو العمل الصالح. Donc le but de ce cours d'aujourd'hui, c'est qu'on sorte de ce cours au minimum en mémoriser la vocation, que ce soit en arabe ou en français, et qu'on en ait compris son sens pour qu'ensuite on puisse s'attacher à mettre cela en application. Parce que c'est cela qui est demandé dans l'ilm. Ce n'est pas l'ilm en tant que tel, c'est l'ilm pour le mettre en application. Et donc il faisait partie de sa voix, c'est-à-dire la voix de qui? Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que tous les jours, après avoir prié à Subh, la première prière de la journée, il invoquait par cette grande invocation qui est générale, qui est globale, qui englobe beaucoup de choses. Et on va voir qu'elle englobe en fait les trois buts quotidiens du musulman. Et il se peut que quelqu'un, et j'anticipe cette question, qui dise, eh bien, on a d'autres buts que trois buts dans la journée. Et vous allez voir qu'en fait, tous les buts, ils reviennent à ces trois buts-là, en fait. Hein? Et dans une autre version du hadith, et une action vertueuse, wa amalan saliha. Donc vous voyez, il y a déjà plusieurs formulations dans ce hadith. Alors peut-être quelqu'un va dire, est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction dans la sunna. Donc, amal mutaqabbalan, et une autre fois quoi? Amalan saliha. Une action acceptée, d'autres fois quoi? Dans notre formulation, c'est quoi? Une action vertueuse. Or, l'action vertueuse, c'est celle qui est acceptée. Et l'action acceptée, c'est celle qui est vertueuse. Donc, il n'y a pas de contradiction, évidemment. Puis, cher, il dit, wa idha ta'ammalta ayyuha al-akhl karim. في هذه الدعوة العظيمة التي كان يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم je rappelle l'obligation de dire صلى الله عليه وسلم يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد أن يصلي الصبح تجد أنها جاءت في وقتها المناسب لأن الصبح هو باكورة اليوم ومفتتحه وهو عظيم أن يفتتح أو يفتتح المسلم يومه بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بهذه الأمور الثلاث أي العلم النافع ورزق الطيب والعمل الصالح أو كما ذكرنا العمل المتقبل. Cheikh il dit, si tu médites, cher frère, chère sœur, pour les sœurs qui nous écoutent, cette invocation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répétait régulièrement, continuellement, qu'il ne cessait de dire. Donc maintenant tu te poses à toi-même la question, je ne veux pas la réponse, mais chacun se pose à lui la question, est-ce que tu la connais cette dua, ya akhi fillah? Si tu ne la connais pas, mémorise-la, c'est facile. Si tu la connais, mais est-ce que tu la mets en pratique ou pas? Si tu la connais et que tu ne la mets pas en pratique, eh bien, ça rappelle pour toi que tu la répètes. On a dit, il l'a répété régulièrement, alayhi salatu wassalam, chaque jour, après avoir prié la prière du Subh. Et tu comprendras, cher frère en Allah, que cette invocation est dite à un moment qui est adéquat, qui est opportun. Car Subh, qui est la prière du matin, c'est les prémices du jour et ce par quoi le jour commence. Et Cheikh il dit: "Wa aidan idha ta'ammalta fi hadhihi al-umur al-thalath, tajidu annaha hiya ahdaf al-muslim tahdidan fi yawmihi. Ahdaf al-muslim fi yawmihi thalatha: al-'ilm an-nafi' wa rizq at-tayyib wa madha wa al-'amal as-salih." Le Cheikh il continue en disant: "Et comme il est important et comment il est important que le musulman commence sa journée par se tourner vers Allah Azza wa Jal, afin qu'Allah lui accorde ces trois choses. Car nul ne peut accorder ces trois choses à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi tu commences ta journée en faisant quoi? En invoquant ton Seigneur. Qu'il t'aide à concrétiser ces trois buts que tu t'es toi-même fixés. Et Cheikh il dit, il est important que le musulman commence sa journée par se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il lui accorde ces trois choses. Et ces trois choses, vous les connaissez déjà maintenant. C'est quoi? C'est quoi, on a dit? C'est-à-dire quoi, la science bénéfique? Alors, j'attire à votre attention déjà en guise d'introduction. Il y a deux mots ici, science et bénéfique. Pourquoi? Pourquoi il y a une condition, il y a une restriction? Pourquoi on a dit science et on sait pas tout? On a dit quoi? Ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une science bénéfique. Parce qu'il y a des sciences qui ne sont pas bénéfiques. Et pourquoi ensuite on a dit une bonne subsistance? On a fait une restriction encore une fois. Pourquoi? Parce qu'il y a des substances qui ne sont pas halal, qui ne sont pas bonnes. Et, amal salihan ou amalan mutaqabbala, pourquoi encore une fois cette restriction? Parce que toutes les actions ne sont pas vertueuses et toutes les actions ne sont pas acceptées. Et comme l'imam encore une fois a dit aujourd'hui dans la khutbah, hein, il a dit quoi? Que pour que les conditions soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est ça le but. Pourquoi tu fais ton action, akhifillah? Pourquoi? Bien pour qu'Allah les accepte. Et accepte cela de toi. Il faut qu'elle réunisse deux conditions. Quelles sont ces deux conditions? Elle les a citées aujourd'hui dans la khutbah. Qui sait les rappeler? Pendant que je bois d'ailleurs. C'est-à-dire que ton action, elle soit vouée de manière exclusive à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'en plus, il faut une deuxième condition, c'est qu'elle soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour vouloir avoir plus de détails, retournez l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah. Il a rapporté que l'adoration doit être conforme à la sunna en 6 points. En 6 points. Elle a cité le nombre. Si j'ai pris le maghrib 4 raka'at, Allah azza, je ne vais pas accepter ça de toi. Le genre. Hein? Si tu mets dans le jour de l'Eid, tu décides de prendre comme udhiya un cheval, ou un chat, hein? Ou un coq. Non, il y a des genres qui ont été spécifiés dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Le temps, si tu fais le hajj en dehors du temps du hajj, ce n'est pas accepté de toi, Khafil. Le lieu. On en a cité combien déjà là? Moi j'en ai compté quatre. Le nombre. Si vous voulez, le cadre, le jins, et puis quoi? Le makan, le zaman, le kayfiya, le comment, la manière de faire. Cinq. Et qui sait me trouver le sixième? La cause, le sabab. Comme Cheikh Al-Uthaymeen l'a expliqué dans son explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi, maintenant si tu décides un jour. Dès que tu rentres chez toi, eh bien tu pries deux rak'at. D'accord? Et puis tu fais ça tous les jours. C'est quoi donc la cause pour laquelle tu pries ces deux rak'at? C'est que tu rentres chez toi. Maintenant, est-ce que cette cause est légiférée? Vous comprenez l'exemple qu'il a donné? De prier deux rak'at, c'est bien, c'est bien ou pas? Bien sûr que c'est bien. Mais pourquoi tu as spécifié cette cause? Est-ce que cette cause, maintenant, elle est légiférée ou pas? Il a expliqué ça dans le charh de l'explication du hadith qui est Man ahdata fi amrina hada ma laysa minhu, fahuwa rad. Celui qui innove. Une chose dans notre, hein, qui ne fait pas partie de notre religion, eh bien cela est rejeté de lui, cela n'est pas accepté de lui. Comme l'imam Nawawi rahimahullah, il a dit, Rad, ay, mardoud, ghair mu'tadin bih. C'est pas considéré, c'est refusé, c'est rejeté. Alors il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, mais moi je n'ai pas innové, akhi, je fais juste ce que quelqu'un il a innové. Mais il y a une deuxième riwaya du hadith, Man amila amalan, laysa alayhi amruna, fahuwa rad. Celui qui fait une action. Donc le hadith, il englobe quoi? Celui qui innove et celui qui. Fais cela après lui. D'accord? Ça, c'est juste en passant pour vous citer cette faïda. Si vous voulez avoir plus de détails, retournez à l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah. Et si je me souviens bien, c'est le hadith numéro 5 de Cheikh Al-Uthaymeen. Et Cheikh, il dit, si tu médites cela, que tu réfléchis à ces trois choses, tu trouveras que ce sont les buts que se donne le musulman chaque jour. Car les buts quotidiens du musulman sont au nombre de trois. Eh bien, la science bénéfique, la bonne subsistance et l'action vertueuse. ولو تفكرت في هدف آخر للمسلم في يومه لا تجد هدفا آخر خارجا عن هذه الأهداف الثلاث فهي جامعة لأهداف المسلم في يومه فجاء هذا الدعاء مفتتحا اليوم بتذكر المسلم أهدافه في يومه وتوجه إلى الله تبارك وتعالى في تحقيق هذه الأهداف فهو نافع من جهتين وسوف نذكر إن شاء الله الجهتين. Cher, il dit, si tu penses maintenant, et c'est une question qu'on a déjà anticipée, si tu penses à un autre but du musulman, que ces trois-là, tu trouveras qu'il ne sort pas en réalité de ces trois choses qui sont donc globales, générales, si vous voulez même génériques, qui englobent les autres, pour le musulman dans sa journée. Cheikh, il dit, cette invocation ouvre la journée par le rappel aux musulmans de ses buts quotidiens. Regardez, on aurait pu se lire ce hadith, on n'aurait pas compris cela de cette façon. C'est l'importance donc de revenir au ulama. On a dit quoi? Que tu te rappelles, c'est un rappel pour toi par rapport à ces buts quotidiens que tu essaies de concrétiser. Et sur l'orientation vers Allah subhanahu wa ta'ala, afin que ces buts se concrétisent, comme on l'a déjà dit, si Allah ne te le facilite pas, eh bien tu ne pourras pas concrétiser ces choses-là. C'est important de comprendre ça. Et Cheikh, il dit, cette invocation est donc bénéfique pour deux raisons. On va les citer. Il dit, « Min jihati tahdidi al-ahdafi fi awal yom. Wa yakouloun, inna min asbab al-najah, an yuhaddida al-insanu, hadafa amalihi, idha kana muttajian ila amalin, ma, au amrin ma. » فمن أسباب النجاح أن يحدد أهدافه وأن يكون بين عينيه أهداف واضحة محددة يقصدها أما من كان يسير بلا هدف واضح ولا رؤية بينة تختلط عليه الأمور وتتزاحم عليه وربما لم يتحقق له شيء منها فهنا تحديد للأهداف هذا أمر. Pourquoi cette invocation est bénéfique? Posez-vous cette question-là. Et Cheikh donne déjà la réponse. Il dit, pour deux raisons. La première qu'on cite, c'est que c'est pour définir les buts au commencement de la journée. Et il est dit que fait partie des causes du succès que l'individu définisse son but dans son action lorsqu'il s'apprête à faire quelque chose. Et on voit dans ce genre de société, beaucoup de gens ils vivent sans but. Surtout chez les jeunes, on voit beaucoup ça. C'est que le matin, il n'a pas de but vraiment dans sa journée, il ne sait pas quoi faire. C'est un danger, ça. Il faut que tu définisses tes buts, que tu te définis de manière correcte, et qu'après, afin que tu puisses les concrétiser, que donc tu te retournes vers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'aide à les concrétiser. Si tu ne définis pas tes buts, et que tu ne demandes pas Allah azza wa jal qu'il te les facilite, et que tu ne cherches pas à les concrétiser, comment tu cherches à les concrétiser? Comment vas-tu les concrétiser? Comment vas-tu arriver au succès? Et Cheikh, il dit, définir les buts fait donc partie des choses qui amènent au succès et que ces buts soient clairs, définis dans son esprit et qu'il veuille les concrétiser. Tandis que celui qui avance, mais dans le contraire, sans avoir un but clair, ni une vision claire, les choses deviennent alors floues et peut-être même qu'il n'en concrétisera aucun. Définir donc les buts est la première chose. Deuxième raison, si vous voulez, pour lesquelles cette invocation est bénéfique, Al-Amru Thani, Tawajjuhun ila Allah tabarak wa ta'ala, في الإعانة على تحقيقها بالسؤال والطلب في بدء اليوم. Chérie, la deuxième raison pour laquelle c'est bénéfique, le fait de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, en demandant l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala afin de concrétiser ses buts. Et ce, en invoquant Allah au début de la journée. Et cela se répète tous les jours, le Cheikh il dit. ثم يتكرر هذا الأمر مع المسلم كل يوم يتوجه إلى الله تبارك وتعالى في أول يوم بسؤال الله تبارك وتعالى العون على تحقيق هذه الأهداف العظيمة والمطالب الجليلة. وقد بدأها صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع، وهذا فيه دلالة واضحة أن العلم مقدم وبه يبدأ، ولهذا بدأ به عليه الصلاة والسلام. فهذه الدعوة فيها دلالة على أن العلم مقدم على العمل، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Cheikh, il dit, et cela se répète tous les jours pour le musulman. Il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur, en l'invoquant au début de la journée, en implorant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de concrétiser ses grands buts et ses nobles aspirations. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a commencé son invocation par quoi? Ben, vous la connaissez maintenant, vous savez y répondre, c'est quoi? Par la science bénéfique, l'ilm nafi'. Maintenant, il y a une compréhension vis-à-vis de ça, il y a une raison. Et Cheikh, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a commencé son invocation par la science bénéfique. Il y a en cela une indication claire que la science précède et que par elle on commence. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a commencé son invocation par la science bénéfique. Cette invocation est donc une indication claire que la science précède l'action. Comme dans la traduction du sens de la parole d'Allah, sache, regardez l'ilm, sache. Donc en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. La traduction correcte de la ilaha illallah, c'est nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Et implore le pardon pour ton péché. Vous avez vu? Sache et implore. Donc on a quoi ici? La science avant l'action. Et d'ailleurs, quand vous retournez dans Sahih al-Bukhari, de l'imam al-Bukhari, vous avez un chapitre qui a pour titre quoi? Al-ilmu qabl al-qawli wal-amal. Et puis il a cité ce verset-là du Coran. Et de Cheikh Mohamed al-Wahhab, rahmatullah alayh, il a cité ça dans Al-Usul al-Thalatha. Il a cité la parole de l'imam al-Bukhari, rahmatullah al-jami', qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. Et Cheikh, il dit, c'est le verset de Surat Mohammed que je viens de citer, verset 19, il a donc commencé par la science avant l'action. Et c'est ça qui est important de comprendre ça. Pour nous musulmans, c'est que notre dîn, il est basé sur l'ilm. L'ilm sahih, l'ilm correct. C'est-à-dire, comme l'a dit Bilqaïm, rahimahullah, dans son fameux poème Nouniya, qui fait 5700 et des vers, où il a compilé la croyance des gens de la sunna, il a dit, والعلم قال الله وقال الرسول وقال الصحابة وهم أولو العرفان. La science, c'est Allah a dit, son prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ses compagnons ont dit. C'est ça l'ilm. Et Cheikh, il dit, et on commence donc par la science, et c'est par elle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a commencé et l'a fait passer avant l'action et avant la subsistance. Il y a en cela l'indication que l'action vertueuse et la bonne subsistance sont basées sur la science. Regardez la compréhension de la dua. Regardez la compréhension des ulama de ce hadith. On a déjà dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a déjà dit? Qu'est-ce qu'on a déjà dit? On n'a rien dit. Qu'est-ce qu'on veut quand hachmoul là, c'est ça. C'est un qui hachmoul, c'est moi ici devant, devant le micro. On m'a dit la science bénéfique, elle doit passer avant l'action et la parole. Ahsant. Et cette doua là, c'est quoi en fait dans ta journée? C'est dans les trois buts quotidiens. Il n'y a que trois buts? T'as pas d'autres buts que tes trois buts? Quand je me lève, je fais la doua à Allah pour lui demander de m'aider à faire mes trois buts. Inch'Allah, c'est correct, mais j'essaie de t'attirer vers un point en fait. Est-ce que tu n'as que trois buts dans ta journée? T'as d'autres buts, oui ou non? Commencer trois buts. C'est-à-dire que tous les autres buts, ils reviennent à ces buts-là. Ahsant. Et on a dit que comment... Maintenant, si quelqu'un dit, oh, la science, comment tu sais que toi, c'est important et pourquoi je dois commencer par la science? Pourquoi? Ben, tu lui dis que quoi? Que le prophète, ça a commencé par la science. Et il y a donc cela une indication claire que quoi? Qu'on commence par la science et que tout est basé sur la science. Et qu'on va le prouver dans un instant, Inch'Allah. Mais comment tu veux savoir que quelque chose est halal, tayyib, si tu n'as pas la science? Et comment tu veux savoir si une action elle est vertueuse ou acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, si tu n'as pas la science bénéfique? Comment tu veux savoir? Si maintenant tu fais du commerce et tu ne t'étudies pas sur les règles du commerce, comment tu veux savoir si tu n'es pas en train de manger le haram? C'est vrai ou pas? Si tu veux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux faire des actions vertueuses. Mais ce n'est pas comme ça. Ça ne vient pas avec le vent ou bien avec toi, ce que ton goût il te rend bénéfique ou tu vois que c'est bénéfique ou que tu vois que c'est vertueux avec ton goût. Tu dis non, moi je trouve ça bien. Ce n'est pas comme ça. C'est que la science bénéfique, c'est ce qu'Allah azza wa jalla a légiféré. Et donc pour ça, tu dois avoir la science. Et pour avoir la science, il faut étudier. Il faut apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en revenant savant de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que ce point-là est clair. Al-Sheikh, il continue en disant فالعلم يبدأ ولهذا بدأ أبي عليه الصلاة والسلام قدم على العلم وعلى الرزق في تقديمه عليهما دلالة على أن صلاح العمل وطيب الرزق مبني على العلم. فالعلم هو الذي به يميز أو يميز به بين طيب الرزق ورديئه وصالح العمل وسيئه. وإذا لم يكن عند الإنسان علم نافع يميز به بين الأمور اختلط عليه الرزق الطيب الخبيث والعمل الصالح بغيره ولا يستطيع أن يميز في هذه الأمور إلا بالعلم ولهذا كان العلم حقيقا بالتقديم وبالعناية وأن يكون في أولى اهتمامات المسلم. Cheikh, il dit, c'est par la science que l'on distingue la bonne subsistance et la mauvaise, plutôt pardon, de la mauvaise, et l'action vertueuse de la mauvaise. Si l'individu n'a pas de science bénéfique qui lui permette de faire la part des choses, il confondra alors la bonne subsistance et la mauvaise. L'action vertueuse est celle qui ne l'est pas. Il ne pourra pas faire la, ou il ne pourra faire la part des choses qu'avec la science. Et c'est pour cela que la science mérite de précéder et qu'on lui donne l'importance qu'elle mérite et qu'elle soit la première des préoccupations du musulman. Et ça, c'est un appel de ma part. C'est qu'on doit essayer de lever un peu les motivations concernant la science. Étudier un peu l'histoire de l'islam. Regardez un peu nos plus prédécesseurs comme ils étaient en ce qui concerne la science. Et regardez l'apogée de l'islam à cette époque-là, justement. Comment voudrions-nous retourner à ces âges d'or sans retourner à la science ? Certains peu prédécesseurs, en sachant que leur attachement à la science était grand, était immense, et les histoires là-dessus sont nombreuses, et les narrations là-dessus sont nombreuses, malgré cela, certains pleuraient à la fin de la journée parce qu'ils estimaient ne pas avoir fait assez, et ne pas avoir assez appris par rapport aux buts qu'ils s'étaient eux-mêmes fixés. Regardez, « ulul himma », la haute motivation, et c'est ce que le prophète Hassan nous a appelé. Ou ce à quoi le prophète Hassan nous a appelé. Parce que quand tu demandes le Jannah, qu'est-ce que tu demandes? Al-Firdaus. Ne te suffit pas du minimum. Cherche toujours le summum. Cherche le top. Cherche. Cherche à mémoriser le Coran. Tu ne dis pas non, j'ai mémorisé le Coran. Non, cherche à mémoriser le Coran. Évidemment, divise-le. Il y a des ajza, il y a 30 ajza. Et d'ailleurs, une belle parole d'Ibn al-Bukhari, rahimahullah, il a dit « Man istatala tariq da'oufa meshio » Celui qui voit la voie longue, qu'est-ce qu'il fait? Son pas se ralentit. Non, donne-toi des petites portions à faire. Organise-toi. Il y a même des méthodologies complètes des mashayikh, des ulama, sur comment étudier le Coran du début jusqu'à la fin, comment le revoir même quand tu le connais. Et d'ailleurs, on en a traduit une de Cheikh Abdel Mahsi al-Qasim, qui fait partie des imams et des prêcheurs de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est traduit sur notre site spfbirmingham.com. Elle est traduite complètement en français. Tu peux la garder pour toute ta vie. Il te dit comment étudier, combien de versets par jour, comment les étudier, comment les mémoriser, comment les revoir. Puis Cheikh, il rapporte une parole très très belle d'un grand parmi les grands de l'islam. Et il dit « Amma idha kana yatlubu rizq bila ilm ou yasa'a fil amal bila ilm » فشأنه كما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذا أيضا يفيدنا أن هذه الدعوة فيها لفت انتباه للمسلم كل يوم إلى الاهتمام بالعلم وأن يكون العلم في أولى اهتماماته في يومه وأن يكون كل يوم في أيام من أيامه لو حظ فيه من العلم النافع بحيث لا يمضي يوم إلا ويحصل فيه علما نافعا فالحديث يدل على ذلك لأنك كل يوم تقول اللهم إني أسألك علما نافعا. Cheikh dit, tandis que s'il cherche la subsistance sans science et qu'il veut faire des actions sans science, son affaire sera comme l'a dit Omar ibn al-Aziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, celui qui adore Allah sans science, ce qu'il pervertira sera plus grand que ce qu'il réformera. Et vous voyez aujourd'hui, beaucoup de groupes égarés, ou des gens qui ont des compréhensions incorrectes de l'islam, qu'est-ce qu'ils font? Ils corrompent sur terre, ils pervertissent, mais tout en croyant quoi? Réformer. « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا » إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Il faut faire attention. Tu peux vouloir bien faire les choses, réformer, et en fait, qu'est-ce que tu fais au lieu de construire? Tu détruis, tu pervertis, tu répands la corruption sur terre, وَلِعَدُ بِاللَّهِ. Tu fais du mal à l'islam et aux musulmans. En croyant quoi? Faire bien. Et ça, on va le voir plus en détail, inshallah, dans un autre cours. Je pense qu'on va le commencer après le Maghrib, qui fera plus ou moins trois cours celui-là, inshallah. Et c'est en fait, il a pour titre, « Aux musulmans, tes ennemis sont au nombre de quatre. » Nefs, l'âme, al-shaytan, al-hawa, shaytan, Satan, hein, al-hawa, les passions, et al-dunya. On va voir à s'attacher à étudier, et on va voir que chaque ennemi, Allah Azul t'a donné un résistant pour combattre chaque ennemi. Inch'Allah. Chère, il dit donc que cette invocation nous donne un autre bénéfice. Et c'est qu'elle attire l'attention du musulman sur l'importance qu'il doit donner tous les jours à la science, et que la science soit la première des préoccupations journalières. Chère, il n'a pas dit hebdomadaire ou mensuel ou annuel, il a dit journalière. Et que chaque jour ait sa portion de science bénéfique, à tel point que ne se passera pas un jour sans qu'il y obtienne de la science bénéfique. Tu essayes petit à petit. Alhamdoulilah, on connaît des cas de frères qui ont bien avancé dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, j'ai un ami qui est très proche, hein, qui est converti à l'islam. Alhamdoulilah, avec l'ijtihad, avec, etc., il a appris la langue arabe, alhamdoulilah, alors qu'au début, il avait très très difficile à prononcer, etc. Alhamdoulilah, il mémorise certaines parties du Coran, il connaît le Mufassal du Coran, il connaît Surat Qaf jusqu'à la fin, alhamdoulilah. Il connaît Usul Talata par cœur, il connaît Qawal Arba par cœur, il connaît Shurut Salah par cœur, il connaît, alhamdoulilah, plus de 70 hadiths par cœur, etc. Alhamdoulilah. Et quand vous voyez les frères travaillent des fois dans une pizzeria entre deux clients, et bien ils prenaient quoi? Ils prenaient ses livres. Regardez le himma, regardez la motivation. Dans sa voiture, des livres. Toujours, il essaye, s'accroche. Mais d'abord, la langue arabe. Et je vous rappelle la parole de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu arda. Alaykum bil arabiyya fa innaha min dinikum. On est tous francophones. Hein? Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont grandi au bled. Mais c'est mon cas aussi, on a grandi en Europe. On a dû apprendre l'arabe un jour ou l'autre. C'est-à-dire qu'on s'approche de l'arabe petit à petit. Et on apprend encore et on apprendra, Inch'Allah, toujours. Mais il faut un jour s'y mettre. Il faut s'y mettre. Il faut apprendre la langue arabe. L'Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a dit? Alaykoum. C'est pas fait si vous voulez, non. Apprenez, c'est un ordre. Apprenez la langue arabe, car elle fait partie de votre religion. Et les ulama, ils rapportent une règle dans Usul Fiqh, ils disent, ou dans le Qawaid al-Fiqhiyya, « Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi, fa huwa wajibun. » Ce sans quoi, tu ne peux pas t'acquitter d'une obligation, devient une obligation. Et les moyens ont le jugement débute. Si tu pour apprendre le din, tu dois apprendre la langue arabe. Donc la langue arabe, elle devient pour toi quoi? Une obligation. Évidemment. Alhamdulillah, si tu deviens un alim de la langue arabe comme Sibawi, alhamdulillah, on en a besoin. Hein? Mais c'est pas ça qui t'est demandé à toi, à ton niveau, à toi, c'est que ton niveau, que tu as assez de la langue arabe pour comprendre ta religion, pour comprendre les paroles des savants qui t'apprennent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cher, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que chaque jour que tu aies ta portion de science bénéfique, à tel point qu'il ne se passera pas un jour sans que tu n'y obtiennes de la science bénéfique. Et ce hadith indique cela tous les jours car tu dis, oh Allah, je te demande une science bénéfique. Et puis, cher, il rapporte un point important parce que certains frères maintenant pourraient mal comprendre la chose et se limiter à du'a. Cher, qu'est-ce qu'il dit? وَالْعُلَمَا يَقُولُونَ هَذَا الدُّعَاء وَلَبُّدَ مَعَ الدُّعَاء مِنْ بَدْلِ السَّبَبِ فإذا قلت اللهم إني أسألك علما نافعا لا بد أن تبدل أو أن تبدل سببا تذهب إلى حلقة علم إلى مجلس علم تقرأ كتابا تتذاكر مسألة إلى غير ذلك من الوسائل والطرائق التي تتبع في تحصيل العلم ونيله فالدعاء يتبعه بدل الأسباب لكن لو أن شخصا استهل يومه وصباحه الباكر بعد صلاة الفجر قال اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا ثم سحب الوسادة ووضع رأس عليها ونام حتى الظهر يصل إليه العلم على وسادته لا يصل لا بد من بدل السبب. Et ça c'est un point aussi, encore un autre point qui rejoint ce qu'on dit mais qui est important de comprendre. Il dit il faut donc que tu en fasses les causes, ce qu'on appelle asbab dans la langue arabe. Il faut que tu ailles aux assises de science, que tu lises un livre, que tu revoies avec quelqu'un un point de science, etc. Alhamdoulilah, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Hein? Vous auriez pu rentrer chez vous. Vous avez peut-être d'autres choses à faire. Maintenant, vous avez décidé. Et ça, c'est offert maintenant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui vous a voulu ce bien. Hein? Allah, il t'a fait important de comprendre. Allah, il veut. Il t'a voulu que tu t'assoies. Il a voulu pour toi que tu t'assoies et que tu écoutes et que tu assistes à une conférence ou un dars. C'est pour ça qu'il faut demander à Allah Azim de t'offrir, qu'Allah te facilite la science bénéfique. Donc toi, tu as décidé quoi? Que tu es assis et tu es en train d'apprendre. C'est ça faire l'asbab. C'est pas que tu te lèves le matin, tu fais du'a et puis tu retournes te coucher, comme va dire le cheikh à l'instant. Cheikh, il dit, car si quelqu'un, après la vocation, donc faire les causes, car si quelqu'un débute sa journée et les prémices de la matinée, après la prière du Fajr, il dit, oh Allah, je te demande une science bénéfique et une bonne subsistance et une action acceptée. Puis il prend son coussin et qu'est-ce qu'il fait? Il y pose sa tête et dort jusqu'à dhuhr. Cheikh, il dit, arrivera-t-il à obtenir la science la tête sur le coussin? Cheikh, il dit, il n'y arrivera pas. Et d'ailleurs, vous connaissez peut-être le hadith qui dit, Al-Mabarak li ummati fi bukuriha. Et c'est un hadith jugé hassan par Cheikh l'Albani, rahmatullah alayhi. Hein? Le prophète, il a fait une doua, il a demandé que la baraka, la bénédiction, pour sa communauté, soit quand? Le matin. Vous voyez, subhanallah, quand vous restez après le Fajr, hein? Non, c'est vrai que le Fajr est un peu tôt, mais hein? Quand vous restez réveillé, vous faites des choses, vous avez vu le temps, comment il est long? Et comment tu peux faire beaucoup de choses? Hein? Le baraka qu'il y a? Même si après tu dois faire une sieste, ce n'est pas un problème. Essaye, mémorise une page du Coran, une demi-page, fais quelque chose, un hadith, fais quelque chose. Habitue-toi, graduellement, tu augmentes chaque jour un petit peu. Mais donne-toi une routine, une organisation. On se donne bien des routines pour autre chose. On va tous les jours travailler, alhamdoulilah. Hein? Qu'en est-il alors de la science? Cher, il conclut donc ce point-là en disant, il faut donc en faire les causes. C'est un cours qui est assez court, donc Inch'Allah, hein? Tenez le coup jusqu'au bout, Inch'Allah. Puis, Cheikh, il continue l'explication de cette doua-là. Et il dit, يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ثم يتجه فيقول اللهم إني أسألك رزقا طيبا. Maintenant, on a fini la première partie du hadith. Donc, il y a trois parties. Maintenant, on s'attache à étudier quoi? Rizq al-tayyib, la bonne subsistance. ثم يتجه فيقول اللهم إني أسألك رزقا طيبا ويشتغل ويبحث عن الرزق فلابد من بذل الأسباب ولهذا قيل تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء فالجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون. Cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, et après avoir dit je te demande une science bénéfique, tu dis, tu t'orientes vers Allah Azza encore et tu dis, oh Allah, je te demande une bonne subsistance. Tu dis ça et puis tu t'occupes et cherches la subsistance, il faut donc en faire les causes. Et c'est pour cela qu'il a été dit, c'est un vers de poésie en arabe. C'est difficile à traduire la poésie, on va essayer de la traduire, Inch'Allah. Tu espérais devenir un jurisconsulte qui débat sans te fatiguer. La folie est de différentes sortes. Obtenir de l'argent ne se fait pas sans difficulté. Qu'en est-il de la science? Cheikh dit, يعني لا بد من بذل الأسباب لا يكفي مجرد التوكل أو مجرد الدعاء بل لا بد مع الدعاء من بذل الأسباب. فإذا هذه الدعوة تفيدنا فائدة عظيمة أن طلب العلم مطلوب كل يوم لأننا كل يوم نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم بالدعاء بهذه الدعوة العظيمة فهذا فيه من الفائدة أن المسلم ينبغي عليه أن لا يفوت عليه يوم من الأيام إلا ويزداد فيه علما ويتعلم فيه مسألة حكما يحضر فيه درسا ويقرأ فيه كتابا أما يوم بأكمله يمضي بدون فائدة للإنسان في دينه هذه مصيبة. لو كان الإنسان يتذكر في حقيقة الأمر مصيبة يمضي عليه يوم كان بعض السلف مع شدة حزمهم وقوة عزمهم وعظم دأبهم في العلم والتحصيل كان بعضهم إذا غربت الشمس ربما بكى. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein? Et l'imam, tout à l'heure dans le khutbah, il a un peu parlé de ça, hein? L'azima, etc. C'était un de sept points qu'il a cité. Hein? Eh bien, là, لأنه لم يحصل فيها ولكن التحصيل الذي كان أقل مما يطلب لنفسه وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام كيف إذا كانت نفوس رديئة وضعيفة نعوذ بالله من ذلك. شيخ كيل دي سي يدي C'est-à-dire qu'il faut faire des causes. Il ne suffit pas simplement de placer sa confiance en Allah ou de simplement invoquer. Il y a des gens qui ont cette compréhension de l'islam. C'est à tout coup là, Allah. Et un, va par la pompe d'essence, prends la route. Kif. Viens, on fait le khourouj. Hein, prends la route, trash. Kif. Déjà, est-ce que ce que tu fais, c'est légiféré? Rappelez les 6 points. Hein? Et les 2 conditions. Ça, hein? Et en plus, où est le tawakkul, le tawakkul, il faut faire l'aspect, mon frère. Allah, il a fait qu'une voiture ne marche pas sans diesel ou sans essence. Tu vas à la pompe, mon frère, c'est normal. C'est vrai ou pas? Dites-moi, s'il y en a qui n'est pas d'accord, qu'ils me le disent. Mais, hein? Akhi, tu dis non. Allah, inna Allah huwa arzaqu dhul quwwati al-matin. Et tu ronfles jusqu'à Dohor, kif. Hein? On rigole, mais vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont cette compréhension de la religion. C'est grave. Non, mon frère. Toi, qu'Allah Allah. Va le matin, cherche. Va te présenter. Hein? Vous appelez ça à l'ANPE ici en France, non? Hein? Va te présenter, va chercher à droite, à gauche, va. Fais des interviews, envoie des emails. Allez, fais des asbab. Toujours pour chercher un rizq taillé, bien sûr. Hein? Fais une formation, fais un diplôme, fais haja, fais quelque chose de ta vie. Hein? Et notre cher Cheikh Fala Ismail Hafidahullah, quand il était venu chez nous en Belgique à l'époque en 2004, il était fâché, il avait dit les frères, il y a beaucoup, ils ne travaillent pas, il était fâché. Il a dit kif. C'est pas bien ça les frères, il a dit. Il faut travailler. Il faut travailler, il faut aller travailler les frères. Hein? Allez faire des études, faites quelque chose. Organisez-vous. Donc, alhamdoulilah, je vois que vous riez, ça veut dire que vous êtes d'accord, alhamdoulilah, que vous êtes conscient de la chose, mais si vous riez, c'est qu'alhamdoulilah, Allah vous a préservé ce genre de compréhension. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ont ce genre de compréhension-là. Donc, tawakkul, na, mais l'asbab, il rentre dedans, hein, l'asbab, faire les causes. Donc, ce qu'on a dit ici, c'est-à-dire qu'il faut faire les causes, il ne suffit pas de simplement placer sa confiance en Allah ou de simplement invoquer. Il faut en plus de faire l'invocation, de faire les causes. Cette invocation nous donne donc un grand bénéfice. Et c'est que l'acquisition de la science, demander la science, est quelque chose de voulu chaque jour. Et voyez le bon enseignement, c'est un peu de répétition. Mais si vous analysez, hein, et, moi, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais je suis enseignant, c'est mon métier en fait. Hein. Donc j'apprécie un peu ce genre de choses, c'est que vous voyez un peu la pédagogie du shir. Il répète, hein, c'est graduel, il répète, il revient sur des notions, pourquoi? Pour qu'elles soient bien assimilées. C'est pas pour que hein, ça vous ennuie, c'est pas ça la chose. Hein. Ce qu'il dit ici, quoi? Il dit, ceci nous donne comme bénéfice, nous apprend qu'il incombe aux musulmans que pas un de ses jours ne se passe sans qu'il n'augmente sa science, qu'il apprenne un point particulier, un jugement sur une chose, qu'il assiste à un cours, qu'il lise un livre. Pose-toi la question. Au début de ta journée, tu fais cette dua, hein? Et tu fais les causes et après la fin de ta journée, tu fais quoi? Ce qu'on appelle un bilan. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Les gens, ils font ça quand ils allaient rentrer à la maison, ils ouvrent le calepin. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? C'est vrai ou pas? Hein? Au maintenant plus moderne, hein? Tu prends ta carte à puce et tu vas sur ton compte, hein? Ton banking online, comme ils disent. Hein? Et tu regardes qu'est-ce que tu as sur le compte, qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti, etc. Tu fais ton bilan. Subhanallah. Quel est-il de l'Omr al-Din? Est-ce que tu fais un bilan? Est-ce que j'ai mes prières à l'heure? Est-ce que j'ai essayé de les prier en jama'a? Est-ce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait des bonnes actions? Est-ce que j'ai fait des mauvaises actions dont je dois me repentir? Hein? Le musulman, il doit être quoi? Il doit toujours se remettre en question. Barakallahu fik, c'est ça. Se remettre en question. Nous tous, moi en premier, nous tous. Hein? Tu te remets en question toujours. Pourquoi? Parce que ça te permet de rectifier s'il y a une erreur et de corriger. Akum salam. On fait tous des erreurs, ikhwan. Kullu bani adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Le meilleur de ceux qui font des erreurs, c'est ceux qui se repentent. Et les fils d'Adam sont certes des gens qui font beaucoup d'erreurs, beaucoup de. Hein? Et Cheikh, il dit, et ça c'est une parole forte, il dit, si le jour passe entièrement sans avoir acquis le moindre bénéfice dans la religion, il a utilisé le mot en arabe qui dit quoi? Musiba. Catastrophe, calamité. Alors combien de musiba on a dans notre vie? Combien de jours sans science? Hein? Et encore une fois, ce n'est pas pour mettre le doigt sur quelqu'un en particulier. Chacun se pose à lui-même la question. Hein? Et moi, j'ai intérêt à me la poser aussi à moi-même d'abord. Hein? Et c'est une des fawaïd que je trouve déjà de faire ce genre de conférence pour moi-même. C'est que c'est un rappel déjà pour moi-même. Parce que tu es devant les gens, tu dis Taqullah, fais ceci, cela, après tu dis ah, où est-ce que moi j'en suis par rapport à ça? Hein? Certains puis prédécesseurs, malgré leur forte détermination et leur puissante résolution, il faudrait faire des cours entiers là-dessus sur leur attachement à la science. Les frères, aujourd'hui, moi j'ai fait Birmingham, Manchester, Charleroi, Villerue, et on se plaint. Salaf, moi les frères, en avion et en voiture, Murtah. Hein? Salaf, les prédécesseurs, ils voyageaient à pied, à dos de monture, des milliers de kilomètres pour un hadith. Un hadith. Zamullah khairan. Ils ont fait ce travail pour nous. Regardez, ulul himma. Il faudrait qu'on fasse un cours pour apporter tout ce qu'ils ont fait, tout leur travail et leur attachement à la science, etc. Et cher, il dit, malgré tout cela, ainsi que leur immense persévérance dans la science et son acquisition, certains d'entre eux, lorsque le soleil se couchait, peut-être se mettaient-ils à pleurer. Imagine-toi, Rifil, un imam de la communauté, avec toute la force qu'il a dans la religion et dans l'acquisition de la science, qu'est-ce qu'il fait? À la fin de sa journée, il pleure. Il pleure des larmes. Pourquoi? Hein? Et c'est ça, parce que nous, des fois, on n'a pas, peut-être pas ce... Ils savent, ils se remettent en question. Ils pleurent parce qu'ils connaissent la valeur des choses. Et ils connaissent leur propre valeur. Ils disent quoi? Eh bien, ils pleuraient. Pas parce qu'ils n'apprenaient pas, mais parce que ce qu'ils avaient appris était inférieur à ce qu'ils désiraient pour eux-mêmes. Allahu Akbar. Regardez, hein? La motivation. C'est comme ça que le musulman doit être. La motivation d'être là. Puis il cite un vers de poésie qu'on va essayer de traduire. Il dit, si les âmes ont des grandes aspirations, les corps fatiguent à les concrétiser. Cher, il dit, alors qu'en est-il, ce sont des âmes faibles ou mauvaises? Puis il dit, فالشاهد أن الحديث يفيد فائدة عظيمة وهي أنه ينبغي على المسلم أن يكون له في كل يوم عناية بالعلم وتحصيل العلم وطلب العلم وأن لا يحرم نفسه من العلم ومجالسه وكتبه وما استجد في زماننا من وسائل كالأشرطة وغيرها فيكون له حظ من العلم وتحصيله. شيخ يلدي, ce qui nous intéresse donc dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Salama رضي الله عنها وأرضاها, c'est le grand bénéfice qu'il nous donne sur le fait que le musulman se doit tous les jours de donner de l'importance à la science et à sa demande, à sa recherche. Et qu'il ne s'empêche pas d'acquérir la science. Littéralement en arabe, qu'il ne se l'interdise pas lui-même. D'assister au cercle des sciences. Maintenant, une chose que vous pouvez faire, c'est regarder dans Sahih al-Bukhari, par exemple, Kitab al-Ilm, le chapitre de la science, des hadiths. Et regardez dans le Coran d'abord, des versets du Coran qui incitent à la science. Sur notre site que j'ai cité tout à l'heure, on a des cours complets sur l'importance de la science et l'importance de l'acquisition de la science, traduit en PDF et en audio, tout ce que tu veux. Hein? Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Aqul Rabbi zidni ilma. Est-ce que tu demandes autre chose? Les ulama, ils disent, comme Cheikh Al-Islam Hafidahullah en Égypte, il dit quoi? Il dit que ça, c'est une indication que. Hein, parce que la science a une préscience dans la religion. Pourquoi? Eh bien, parce que tu ne demandes d'augmentation que dans la science. Allahumma rabbi zidni ilma. Beaucoup de versets du Coran. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ils sont égaux? Beaucoup de hadiths, nombreux. Les hadiths sur le fait d'être assis comme ça. De chercher la science. Comme le hadith rapporté dans Sunan Abi Daoud et authentifié par Charles Albani dans Sahih Targhib wa Tarhib, Kitab al-Ilm, où le prophète Abu Darda, il y a un homme qui est venu chez lui à Dimashq, il lui a dit, je suis venu chez toi pour apprendre un hadith. Pour apprendre l'ilm. Il lui a dit, tu n'es pas venu pour autre chose, pour une haja? Il a dit, non, je suis venu pour ça. Il a dit, je vais te dire ce que j'ai entendu le prophète. Il a dit marhaban bi talib. Il a dit marhaban. Non, il a dit, je vais te dire ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a cité sur le hadith sur man salaka tariqan. Je pense que tu l'as cité aussi dans la khutbah aujourd'hui. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman C'est quoi la suite du hadith? Tariqan ila madha? Ila al-jannah. Cheikh Abdel Nasser Al-Abbad, hein, le grand savant du hadith, qui est le père du cheikh dont on est en train de faire le cours ici, qui enseigne encore à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ça, dans ce hadith, il y a la preuve que al-jaza min jins al-amal. C'est que la récompense fait partie du genre de l'action. Toi, tu cherches une voie vers la science, Allah te facilite une voie vers le paradis. Allahu Akbar. Qu'est-ce que tu cherches d'autre que le paradis, akhifillah? Qu'est-ce que tu cherches d'autre chose que ça? Hein? Et demain, inshallah, après le mourub, inshallah, on va avoir un rappel que moi j'estime assez fort, pas parce qu'il est de moi, parce qu'il n'est pas de moi, je fais que traduire, hein? Mais c'est un rappel que j'ai fait à plusieurs endroits, et souvent, les gens, tout le monde dans la mosquée pleurait, etc., parce que c'est un rappel très fort sur Yom al-Qiyamah. Hein, on a besoin de rappel. Donc, inshallah, après le mourub, demain, inshallah, on va faire un cours sur point à méditer tiré de la sourate Al-Qari'a, le fracas. Inshallah. Il faut savoir. Il faut vouloir le Jannah. Et il faut avoir peur de l'enfer. Maintenant, si tu ne connais pas le Jannah, comment tu vas aspirer à y aller? Quand tu la connais en détail, tu veux plus y aller. Ça, hein? Tu connais les délices. Tu connais les descriptions des hommes du paradis. Tu connais leur récompense. Tu sais ce qui va se passer. Hein? Et tu connais le contraire aussi. Et ça t'aide à t'en écarter. C'est pour ça que les ulama, ils font ce qu'on appelle at-targhib ou at-tarhib. C'est-à-dire l'incitation et le fait d'effrayer. Ils appellent aux bonnes actions avec ce qui est incite et ils mettent en garde contre les mauvaises actions et les interdits, etc., en citant ce qui t'aide à t'en écarter. Et donc, Cheikh, il dit ici d'assister au cercle des sciences, les livres des sciences et les facilités que nous avons à notre époque, comme les cassettes et autres, de manière à ce qu'il obtienne sa portion de science. Notre cher Falah Ismail, qui a fait son doctorat à l'université de Médine, Hafidahullah Ta'ala, et qui a étudié chez des grands savants comme Cheikh Mohamed Amin Shinqiti, Hamid Al-Ansari, Amin Hassan Al-Abbad, Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, Abid Al-Jabiri, et j'en passe. Et parmi les plus grands que vous pouvez mentionner, Mohamed Amel Jami, etc., parmi les plus grands qu'on peut citer à cette époque-ci, eh bien, il nous a dit, yani, que littéralement, tu as un doigt, tu as un clic, si tu veux. Maintenant, c'est un clic, c'est un mot. Hein? C'est un clic, un play de l'ilm. C'est vrai ou pas? Tu cliques, c'est comme ça avec Cheikh Ben Baz. Tu cliques, c'est comme si c'était avec Cheikh Al-Uthaymeen. Tu cliques, c'est comme si c'était avec Cheikh Al-Albani. Rien que si tu écoutes toutes ces cassettes, et certains frères ont fait le calcul, je ne sais pas s'il est correct ou pas, mais ils ont dit que c'était plus que 20 ans. Rien que ces trois chers-là. Ce que certains chers, ils appellent le triangle d'or. Cheikh Al-Albani, rahimallah, Cheikh Al-Uthaymeen et Cheikh Ben Baz. Annie, c'est ce que j'en en train de dire ici, c'est que la science, elle est facilitée. Elle est facilitée. Maintenant, encore une fois, la science bénéfique. Va pas faire le papillon sur Internet et tu t'arrêtes à n'importe quel site. On n'a pas ça, l'effet papillon, ça n'existe pas chez nous, ça. Hein? Tu butines de fleur en fleur. Vous connaissez la parole de Mohamed ibn Sirin? Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Inna hada al-ilma dinun fanduru al-man ta'khuduna dinakum. Certes, cette science est une religion, faites attention donc de qui vous prenez votre religion. C'est qui rapporte cette parole de Mohamed ibn Sirin? L'imam musulman dans son sahih. Les gens de la sunna, ils prennent pas n'importe qui. Le hadith, tu prends n'importe qui? Tu prends pas n'importe qui. Si c'est quelqu'un de pas bien, quelqu'un des gens de l'innovation, tu prends pas de lui. Ou quelqu'un de daïf, tu prends pas de lui. Hein? Maintenant, il y a un autre cas. Il est bien parmi les gens de la sunna, fiqa, confiance, etc. Tu prends de lui, alhamdoulilah, c'est bien. Mais un troisième cas, c'est quoi? Tu connais pas, t'es mjhoul. Tu connais pas. Tu prends ou tu prends pas? C'est là où se trompe la majorité des gens. Là, je connais pas, je prends jusqu'à ce que je vois le contraire. Là. Et attention, le jahal a deux types. Il est inconnu dans le sens où tu ne sais pas qui c'est, tu ne connais même pas son nom. Et puis un autre jahala qui est quoi? C'est jahalat al-hal. C'est-à-dire que tu connais son nom, tu sais que c'est le cheikh un tel ou le rapporteur de hadith un tel, etc. Mais tu ne connais pas sa situation, est-ce qu'il est de confiance, des gens de la sunna, etc. Tu ne prends pas, ya akhi. Jusqu'à ce que tu sois sûr, tu demandes aux gens de science. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Oh Allah, je te demande une science bénéfique. Ceci indique que la science est de deux types: bénéfique et quoi? Nuisible. Je voudrais pas être trop long pour vous. Est-ce qu'on continue un peu ou pas? Ça fait 55 minutes là. Continue un petit quart d'heure ou 20 minutes ou. Hein? فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه سورة البقرة هذا علم ضار فهناك علوم ضارة وما أكثرها في زماننا وعلم نافع ينفع الإنسان يفيده فحدد الطلب هنا فقال اللهم إني أسألك علما نافعا بل كان يأتي في بعض دعواته عليه الصلاة والسلام التعوذ بالله من علم لا ينفع شيخ السيت un verset du Coran qui est de Sourate al-Baqara verset 102 et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Donc on voit bien que, hein, فيتعلمون العلم, mais c'est pas profitable, c'est nuisible. Et il fait référence à quoi ce verset? السحر. السحر c'est quoi? C'est bénéfique? C'est كفر بالله عز وجل. Celui qui fait السحر, c'est un kafir, ya ikhou. Hein? Pourtant ici, qu'est-ce qu'on a dit? فيتعلمون منهما. C'est un ilm qui s'apprend. Hein? Walakin, c'est quoi? C'est nuisible. Au point d'amener à la mécréance. Et puis, Cheikh, il dit, ce qui est voulu par la science bénéfique ici, il y a donc des sciences qui nuisent et elles sont nombreuses de nos jours. Et une science bénéfique qui bénéficie les gens. La demande dans la vocation est donc restreinte à quoi? À la science bénéfique. Ce qui est voulu par la science bénéfique ici, c'est la science qui est bénéfique en elle-même. Ça, c'est un point encore important à comprendre. Cheikh, il dit quoi ici? Il dit, ce qui est voulu par la science bénéfique ici, c'est la science qui est bénéfique en elle-même pour celui qui y a eu accès, et aussi que celui qui apprend cette science, qu'elle lui soit bénéfique, car il se peut que la science qu'un individu possède soit bénéfique en elle-même, mais qu'elle ne soit pas bénéfique à lui. Hein? Maintenant, on a un ilm qui est quoi? Bénéfique et un ilm qui est nuisible, d'accord? Mais c'est un ilm qui est bénéfique. Il se peut qu'il soit bénéfique, mais il ne soit pas bénéfique pour la personne elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donnez-moi un exemple. Par exemple, qu'il ne la mette pas en application. C'est pour cela que parmi les invocations du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a « Oh Allah, rends-moi bénéfique ce que tu m'as appris. Hein? Rends-moi bénéfique ce que tu m'as appris. » Parce que non seulement tu as besoin de la science bénéfique, mais après tu as besoin que ça te bénéficie. Que tu en tires des bénéfices pour toi-même. C'est un peu, hein? C'est un peu de fin ici, là. Vous comprenez un peu ici, hein? C'est-à-dire qu'il y a une science bénéfique, mais qu'en plus cette science bénéfique en elle-même, elle soit bénéfique pour qui? Pour toi qui l'as acquise. Et ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi numéro 3599 et Ibn Majah 251 d'après Abu Huraira radiallahu anhu arda et jugé authentique par Cheikh l'Albani qu'Allah le fasse miséricorde. Cheikh, il termine ce point-là en disant: il se peut donc que la science soit bénéfique en elle-même, mais celui qui la détient n'en tire pas les bénéfices, il n'en bénéficie pas. Il demande donc à Allah qu'il lui donne la science bénéfique qui est bénéfique en elle-même et bénéficie celui qui la détient. Et qu'avec cette science, il augmente sa vertu, sa guidance, sa crainte d'Allah, qu'il se rapproche d'Allah et qu'il accède à ce qu'Allah soit satisfait de lui. قال اللهم إني أسألك علما نافعا المعنى بالعلم النافع هنا العلم الذي هو في نفسه نافع لمن اطلع عليه وأفاده وأيضا انتفاع المتعلم لهذا العلم بالعلم وقد إذ قد يكون علم الإنسان علم نافع ولكن صاحبه لا ينتفع به ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم انفعني بما علمتني فقد يكون العلم في نفسه نافعا ولكن صاحبه غير منتفع به فيسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالعلم النافع والنافع في نفسه النافع لصاحبه بحيث أن صاحبه ينتفع به ويزداد به صلاحا وهدى وتقوى وتقربا لله سبحانه وتعالى. C'est pour ça que si tu vois quelqu'un que tu estimes qu'il a une science dans le sens de qu'il a emmagasiné de la science, mais tu vois pas cette science pour lui, sur lui, tu la vois pas dans sa croyance, dans son adoration, dans ses comportements, etc., il y a un problème. ونيلا لمراضيه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك قال ورزقا طيبا أي وأسألك يا الله رزقا طيبا وفيه أيضا الحث على طلب الرزق في يوم المسلم وفي كل أيامه مع التوجه إلى الله تبارك وتعالى في تيسيره مع التوجه إلى الله تبارك وتعالى في تيسيره. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh dit, après le ilm nafi'? Il dit, et une bonne subsistance. C'est-à-dire, je te demande à Allah une bonne subsistance. Et il y a aussi là l'incitation à ce que le musulman cherche chaque jour sa subsistance en se tournant vers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui facilite. Lorsque le musulman dit dans son invocation, et une bonne subsistance, cela place dans son cœur de manière ferme que la subsistance est de deux types. Bon, tayyib, ou bien quoi? Mauvais, khabith. وإذا قال المسلم في دعائه رزقا طيبا وأسألك رزقا طيبا فإن هذا يغرس فيه ويمكن في قلبه أن الرزق على نوعين طيب وخبيث والمطعم على نوعين والمشرب على نوعين والملبس على نوعين طيب وخبيث ولا بد أن يميز المسلم بين الخبيث والطيب حتى لا يكون مطعمه ولا مشربه ولا ملبسه إلا طيبا. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعم حرام وملبس حرام ومشرب حرام وغودي بالحرام فأنا يستجاب له. الشيخ il dit et que la nourriture est de deux types aussi, ainsi que les boissons, ainsi que les vêtements, ou haram ou halal, ou haram ou halal. Le musulman se doit donc de distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais, afin que sa nourriture, sa boisson et ses vêtements soient uniquement bons, licites. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, écoutez le hadith et représentez-vous cette image. Un homme qui lors d'un long voyage, or vous savez que le voyageur, sa doua, elle est acceptée. Il fait partie des gens, il y a des endroits où la doua est acceptée, des endroits spécifiques. Il y a des temps spécifiques et il y a des personnes spécifiques. Dans l'école où j'enseigne, parce que j'enseigne aux enfants dans une école islamique sur la sunna, alhamdulillah, j'apprends ça aux enfants. On fait ça dans, j'ai une matière que j'enseigne qui s'appelle dua. Et on fait fiqh dua, de Cheikh Abdelrazak al-Badr justement. Et on fait adab dua, wa shurut dua, al-mawani' dua, etc. Et ils apprennent ça. Donc nous, il faut apprendre. C'est-à-dire quoi? Qu'il y a des choses qui, des personnes spécifiques, que la dua a accepté d'eux. C'est qui par exemple? Eh bien le voyageur. Qui encore d'autres par exemple? Le? Naam. C'est quoi le wali? Al-mu'min al-taqi. Aussi par exemple, c'est quoi le père pour son fils? Al-madloum, c'est le cas subi l'injustice, etc. Il y a plusieurs types, d'accord? Par exemple, des temps. Quel temps par exemple? Ouais, quand il pleut, vas-y, quand il pleut, quoi d'autre? On discutera après ça, Inch'Allah. Naam, quel temps du vendredi? Parce que là, tu as dit vendredi, ça veut dire fast jusqu'au maghrib. Voilà, c'est ça, la dernière heure de l'Asr. Quoi d'autre? Entre la dernière qama. Mercredi, il y a quelque chose ou pas? Mercredi, entre Dour l'Asr. Cheikh Al-Ben, il a authentifié le hadith. Ça, c'est des exemples. Donc ici, regardez, un long voyage, échevelé, poussiéreux. Il lève ses mains vers le ciel. Vous avez toutes les choses qui normalement amènent à ce que la dua soit acceptée. Il est miséreux dans un certain état, il a en besoin, il lève ses mains. Ya Rab, il appelle son Seigneur. Il est en voyage. Oh mon Seigneur, oh mon Seigneur. Alors que sa nourriture est illicite. Ses vêtements sont illicites. Et ce qu'il boit est illicite. Et sa nourriture est illicite. Comment pourrait-il avoir son invocation acceptée? Donc toi, cher frère en Allah, cher sœur en Allah, ne crains-tu pas pour toi que ta doua soit refusée par Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne soit pas acceptée? Comprenez un peu l'importance de ce genre de rappel. Voilà, c'est des choses graves, c'est des choses importantes dans la vie d'un musulman. Alors que si tu fais le halal, tu demandes à Allah, c'est ce que tu veux, alhamdoulilah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comment pourrait-il avoir son invocation acceptée? Fa'anna yustajabula. C'est pour cela que certains de mes prédécesseurs disaient, ولهذا قال بعض السلف أطب مطعمك تستجب دعوتك فيسأل الله عز وجل الرزق الطيب وهذا يتضمن سؤال الله تبارك وتعالى أن يبعد العبد عن أبواب الكسب المحرمة من الربا إلى الغش إلى المعاملات المحرمة والبيوع المحرمة إلى غير ذلك فالخلاص من ذلك كله داخل في قوله ورزقا طيبا. Et avec ça on a fini la deuxième partie du hadith qui était quoi la première partie? C'est que tu demandes à Allah quoi? Une science bénéfique. J'aurais dû parler dans le micro depuis le début. Hein? Et que tu demandes à la deuxième partie quoi? Une bonne subsistance. Et cette bonne subsistance, on la termine en disant. C'est pour cela que certains plus près disent, regardez les paroles des salafs, comment elles sont. Nous, on a parlé, on parle. Hein? Les paroles des salafs, elles sont courtes et fortes en sens. Nos paroles à nous, elles sont longues et Allah al-musta'an. Hein? On a dit quoi? Ici, at'im mat'amak, at'im mat'amak, tustajab da'watuk. Quatre mots. At'im mat'amak, tustajab da'watuk. Et tu as tout résumé. Rends bon ta nourriture, ou plutôt rends ta nourriture bonne, c'est-à-dire licite, et ton invocation sera acceptée. Cher Eli, il demande donc la bonne subsistance et ceci comprend le fait de demander à Allah qu'il éloigne des gains illicites comme l'usure. C'est-à-dire qu'en demandant cette dua, qu'Allah te donne du bon rizq, en demandant ça, c'est-à-dire que ça implique, ça comprend que tu demandes à Allah qu'il t'écarte de ce qui est illicite. Comme par exemple l'usure, riba, la tricherie, les transactions illicites et les ventes interdites, etc. Non, si tu ne sais pas, bah, tu risques de tomber dedans. Hein. Comme aussi, on en voit certaines fois des cas, tu risques de rendre jugé quelque chose de haram qui ne l'est pas à la base. Non, c'est haram, moi je touche pas, c'est tout ce que t'en sais. T'as une parole d'un alim, mon frère. T'as une parole d'un alim. Moi je te fais confiance, allez, t'es un frère, mais est-ce que tu as une parole d'un alim derrière toi? Tu es un salaf? Tu as quelqu'un qui a dit ça avant toi? Parmi les gens de science? Que je sache sur quoi je base ma religion? Tu as une parole, mais là, moi, Inch'Allah, je la regarde, pas de problème, alhamdulillah, zakallah khair. Et que tu viens de dire de toi-même, akhi afwan, je peux pas. Donc, encore une fois, l'importance de revenir aux gens de science. Allah Azza wa Jalla, il a dit Fas'alou ahla dhikri, in kuntum la ta'lamoun. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Cher Eli, on s'exemple tout cela en disant la vocation et une bonne subsistance. Et on arrive à la fin. Pourquoi? Parce qu'on s'attache à étudier la troisième partie de ce hadith ou de cette dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma, hein? Et c'est. Vous n'oubliez pas que c'est vrai que c'est moi qui parle, mais n'oubliez pas, c'est le prophète, la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous, c'est une parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Il faut donner à ces paroles leur importance, ya ikhwa. Et essayez de la mémoriser. Il y a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Naddar Allah imra'an sami'a maqalati, ila akhir al hadith. Hein? Fa'an, fa'wa'a, fa'addaha, kama sami'a, ila. Il y a beaucoup de riwayats, Cheikh Masih Abed l'a fait une sélection, les riwayats, etc. Hein? Et Cheikh Abdelrazak dans une khutbah, il a expliqué ce hadith en disant quoi? Il a dit que chaque musulman devrait au moins mesurer un hadith pour au moins rentrer dans ce hadith qui est en fait une dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Naddar Allah imra'an. Cheikh Mokbil il disait rahmatullah alayh, Eija'alahu da nadaratin, yani jamal. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé à Allah azza wa jal qu'il rende beau une personne qui. Hein? Entend sa parole, il la mémorise, il la comprenne, il la transmette, etc. Et vous voyez les gens du hadith, comme leurs visages sont beaux. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir des grands muhadithines. Hein? Si vous allez à la Mecque ou à Médine ou dans d'autres pays musulmans, il y a des gens du hadith, et des gens de la sunna, leurs visages sont beaux. Avez-vous vu Cheikh Rabi'a? Vous avez vu son visage? Hein? Vous avez vu par Cheikh Mohsen Abbad qui vient de finir il n'y a pas longtemps les 6 livres de la sunna, il a mis 25 ans pour les faire. C'est peut-être l'âge plus que l'âge de certains d'entre nous ici. Hein? Il a la beauté de leur visage. Shirah al-Jabiri. Alhamdulillah, on a l'occasion de s'asseoir avec lui, de faire quelques livres avec lui, alhamdulillah. Il a le visage, ya ikhwa. Vous voyez le nord, la beauté. Hein? Et toi, tu n'aimerais pas rentrer dans ce hadith, dans cette dua? Mémorisez un hadith, akhi. Je vous donne un hadith, mémorisez sur place maintenant. Taqullah wa silu arhamakum. Ça fait, khlas. Vous connaissez un hadith. Cheikh Ruslan, hafidhahullah, son fils, il a regroupé une méthodologie pour les enfants de 3 à 11 ans. 60 hadiths par année, ça fait 600 hadiths à l'âge de 11 ans. Hein? Et nous, on l'a commandé pour l'école chez nous. Et c'est très bien fait parce qu'à 3 ans, évidemment, les enfants ne peuvent pas mémoriser de longs hadiths. C'est pas pédagogique de faire ça. Donc les hadiths sont très courts. À 3 ans, il y a un hadith, il dit Taqullah wa silu arhamakum. Là, vous pouvez le mémoriser maintenant. Là. Voilà, vous connaissez un hadith du professeur. Craignez Allah et visitez vos proches. Voilà, tu connais un hadith. Hein? C'est facile d'étudier. Il faut juste s'y mettre, c'est tout. Ça va, les frères? Hein? Hein? Est-ce que j'y vais trop là? Hein? C'est pas pour déprimer que j'ai ça, c'est pour motiver. Hein? Hein? Donc on a dit que la troisième partie, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a terminé son invocation par une vertueuse action. Dans une autre version du hadith, et une action acceptée. C'est-à-dire parmi les actions vertueuses qu'a Allah subhanahu wa ta'ala légiféré. Aïe! من الأعمال الصالحة التي شرعها الله تبارك وتعالى وللعمل الصالح وصفان أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى وأن يكون موافقا للسنة. L'action vertueuse a deux caractéristiques, comme on l'a déjà dit et qu'on a entendu la khutbah, qu'elle soit sincère pour Allah Azza wa Jal et qu'elle soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit dans les six points dans lesquels elle doit être conforme, comme l'a rapporté Cheikh Al-Uthaymeen dans son explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah. Cheikh il dit maintenant, فَإِذَا كَانَ الْعَمَلُ et on va terminer là-dessus inshallah, كَذَلِكَ تقبله تبارك وتعالى من عامله ولهذا فإن العمل الصالح الذي هو خالص لله موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتقبل فالله جل وعلا لا يتقبل من العمل إلا ما كان صالحا أي خالصا صوابا كما مر معنا في هذا المعنى قول الفضيل بن عياض رحمه الله عند قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوابه قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوابه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة و هذا أخرجه وذكره الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة النبوية. Avant dernière parole, si vous voulez, avant qu'on termine le cours, inshallah. Cheikh il dit, si l'action correspond à ces deux caractéristiques, elle est acceptée par Allah de celui qui l'a fait. C'est pour cela que l'action vertueuse, qui est ce qui est sincère pour Allah, conforme à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette action-là qui est acceptée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah n'accepte des actions que ce qui en est vertueux. C'est-à-dire sincère et conforme, comme nous l'avons vu dans la parole d'Al-Fudayl ibn Iyad. Qu'Allah lui fasse miséricorde, ce grand savant, à propos de la parole d'Allah, dont la traduction du sens est « afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux ». Surat Hud, verset 7. Et il dit « ce qui est le plus sincère et le plus juste ». Al-Fudayl ibn Iyad, il a dit, il a expliqué ce verset « Ayyukum ahsanu amala ahsan ». C'est quoi « ahsanu amala » D'ailleurs, il n'a pas dit « aktharu amala hein? »« ahsanu amala ». Eh bien, c'est quoi? Il fut dit « oh Abu Ali ». Quelle est la plus sincère et le plus juste? Il dit, si l'action est sincère et n'est pas conforme, elle n'est pas acceptée. Et si elle est conforme et pas sincère, c'est-à-dire vous et de manière exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, elle n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'elle soit sincère et conforme. Ce qui est sincère, il explique maintenant c'est quoi être sincère. Et c'est ce qui est pour Allah, uniquement. Et ce qui est conforme, est ce qui est sur la sunna. Et c'est rapporté par Ibn Taymiyyah dans Minhaj Sunan Nabawiya, volume 6, page 217, avec un tahqiq de Rashad Salim. Et Rashad Salim, c'est quelqu'un, un docteur qui a fait beaucoup de travail sur les livres de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et Cheikh Mohamed Amel Jami, rahimahullah, il disait que c'était un des meilleurs, si pas le meilleur tahqiq de ce livre-là. Cette invocation est donc, chers frères, très importante. Et ça, c'est la conclusion. Donc maintenant, juste pour synthétiser, on a fait un dar sur quoi aujourd'hui, le hadith de qui? Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui l'a rapporté? Om Salama, qui est qui? Une de ses épouses, d'accord. Om Salama. Hadith, qui l'a rapporté parmi les gens du hadith? Ibn Majah. Ahmed dans son Musnad. Qui l'a authentifié? Sur l'Albani, rahmahullah. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? Ou le dua? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amal mutaqabbala. Oh Allah, je te demande une science bénéfique et une bonne subsistance et une action vertueuse ou bien une action accepté. Et dans d'autres versions du hadith, c'est pas une bonne subsistance, c'est une large subsistance. D'accord? Maintenant, quand est-ce qu'on dit ça? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait ça quand? Après Salat Sobh, après le Teslim. Donc il y a une indication que quoi? Que tu commences ta journée par cette dua, que donc tu t'orientes vers Allah, subhanahu wa ta'ala, tu définis tes buts et tu t'orientes vers Allah, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il t'aide à concrétiser ses buts. On est d'accord? Hein? Pourquoi? Ah, je vous pose une question. Quelle est la preuve, où est ici la preuve ou le témoin argumentatif que la science elle précède toute chose? Mais dans le hadith, c'est le verset, il est juste, on l'a cité. Et le même Bukhari l'a cité dans son sahih, d'accord? Et c'est une preuve très juste qui appuie ce hadith ici. Hein? Et on a dit quoi? Que dans le hadith, ben, il a commencé, comme lui l'a dit dans le verset, hein? Il a commencé par la science. Et donc ça prouve que le reste est basé sur la science bénéfique. La science, elle est de deux types, bénéfique et nuisible. La bonne substance, la substance est de deux types, bonne et mauvaise, halal et haram. Et l'action vertueuse, ou plutôt l'action, est de deux types. L'action vertueuse et l'action qui n'est pas acceptée. Hein? Et on a vu l'action vertueuse, elle doit correspondre à deux conditions, elle doit avoir deux caractéristiques, la sincérité et la conformité à la sunna. C'est-à-dire vouer l'adoration de manière exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle soit conforme à la sunna. Et on a vu que la conformité, c'est en six points. Le genre, la raison, le nombre, le temps, le lieu et la manière. D'accord ? Et Cheikh, il dit... فهذه الدعوة أيها الإخوة عظيمة من كان محافظا عليها فليزدد محافظة من كان على غير علم بها وعلى غير محافظة عليها فليدرك أهميتها وعظام شأنها ومسيس حاجته إليها كل يوم بعد صلاة الصبح يدعو بهذه الدعوة العظيمة اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Cette invocation est donc, chers frères, très importante. Celui qui l'a dit de manière constante, eh bien qu'il augmente cela, et que celui qui ne la connaît pas ou ne la dit pas constamment, qu'il sache son importance et le grand besoin qu'il a à dire cette invocation chaque jour après la prière du Subh, et qui est, dont la traduction du sens est « Oh Allah, je te demande une science bénéfique et une bonne subsistance et une action vertueuse ». Et on va s'arrêter là-dessus pour tout de suite. Et on se voit donc, Inch'Allah, après le Mughrib pour un dars, ou le premier dars de Cheikh Mohammed Imam que j'ai dit, aux musulmans, tes ennemis sont au nombre de quatre, l'âme, le shaitan, la passion et dunya. D'accord ? Et pour les frères qui veulent les notes de ça, je l'ai tapé sur ordinateur, c'est disponible sur notre site, ils peuvent le télécharger, tout le cours est disponible en français. Hein ? Mais essayez de prendre des notes pendant les cours. Le pêcheur, il ne va pas à la pêche sans filet, ça. Hein ? Barakallahu fikoum. وجزاكم الله خير والله اعلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك